Hey, je veux parler de malbouffe un peu. Daniel Brière et Brendan Gallagher se sont associés aux des joueurs du Canadien. Se sont associés à McDonald's pour la vente d'un burger, je pense, qui va porter leur nom. C'est bien ça l'histoire? Et là, c'est parti, c'est décollé. La coalition poids santé de ce monde monte aux barricades en disant que c'est mauvais, c'est faire la promotion de la malbouffe, les joueurs du Canadien, c'est des idoles pour les jeunes, c'est mauvais. Écoutez bien ce que je vais vous lire là. Est-ce que ça a sorti la même journée? Non, ça a sorti, je te dirais, 1er décembre, quelque chose comme 1er janvier. OK, ça remonte un petit peu, ça? Oui, ça date de quelques jours. C'est parce que moi, quand j'entends ça, là, ah, pas correct, joueur du Canadien s'associe à McDo, malbouffe. Mais qu'est-ce que la malbouffe? Voulez-vous même définir ça une fois pour toutes, là? C'est quoi vos critères? Est-ce que Saint-Hubert, c'est de la malbouffe? Ils vendent toujours bien de la poutine chez Saint-Hubert. Quand il y a eu nombre d'artistes et de vedettes qui se sont associés à Saint-Hubert, là, pourquoi la coalition au poids a pas chialé? Et vous, je vous dis pourquoi. Parce que Saint-Hubert, c'est québécois. Puis McDo, c'est américain. That's it! Il n'y a pas d'autre chose. La vérité là, est là. Mais là, j'ai pas entendu personne non plus chialer le fait que McDo a été commanditaire d'Alexandre Despatie pendant des années. Un grand restaurant, 5 étoiles, 8 diamants, macarons Michelin, quand il vend du foie gras, c'est-tu de la malbouffe, ça? Ben non, Butch, c'est de la grande bouffe gastronomique. Ben, c'est quoi vos critères, ça? Ben, un burger, c'est gras, Butch. Le foie gras encore pire. Ouais, mais c'est pas pareil. OK. Parce que c'est préparé par un chef avec une grande, t'appelles ça le chapeau, avec une toque. OK, si c'est un chef avec une toque qui fait du gras, c'est pas de la malbouffe, mais si c'est une petite fille avec des broches dans la bouche puis des boutons qui fait la burger, ah ben là, c'est de la malbouffe. Bullshit. T'es tombé niaiseux. Définissez-moi malbouffe. Si votre critère, c'est le gras, je vous annonce que dans les plus grands restaurants de Québec, ils en servent en esti du gras. OK? On s'entend tous là-dessus, là. Donc, c'est pas le gras. Donc, c'est quoi? Ah, ben là, c'est la répétition. C'est parce que si t'en manges trop... Oui, mais oui. T'es pas obligé d'aller 5 fois par semaine chez McDo. Comme si ouais, tu mangeais trop de foie gras. Avouez-le donc. Démasquez-vous donc. Vous êtes des anti-américains. Vous vous attaquez juste à McDo, esti, parce que c'est un symbole des États-Unis. Tant qu'à ça, attaquez-vous à Saint-Hubert. En passant, je blâme pas Saint-Hubert. J'adore Saint-Hubert. Mais ils vendent de la poutine, puis ils vendent du poulet, puis ils vendent... Des croquettes. Ben oui, ils vendent des croquettes, ils vendent des sortes d'affaires. Pis... Écoutez bien la nouvelle. Donc, pour moi, McDo, ça n'a rien à voir avec la malbouffe. C'est de la bouffe qui peut être... Oh, ça dépend. Si tu en abuses, si tu prends tout le temps les mêmes affaires. Évidemment, il y a un imbécile qui en a mangé pendant quoi? Morgan Spurlock, là, en a mangé dans Super Size Me pendant un bout de temps, puis a été malade. Mais voici qu'un Américain s'est nourri de McDo pendant 3 mois. Il a perdu 17 kilos. Arrow sur la malbouffe? Non. Sur les comportements alimentaires. Nuance, c'est le combat de ce professeur de sciences américain qui s'est livré à une expérience pour le moins indigeste. Pendant 3 mois, il a juste mangé du McDo. Il a perdu 17 kilos. De quoi rendre vert de jalousie le bonhomme Spurlock, cet autre Américain un peu fou, qui s'est nourri, lui, pendant 1 mois de McDo à s'en rendre malade. Lui, 3 mois, le prof. John Cisna explique dans une interview accordée à la chaîne locale de l'Iowa, relayée par le site de l'Express, qui s'est imposé des règles drastiques pour survivre à ce cauchemar alimentaire et pour en tirer un bénéfice. Il n'a jamais dépensé 2000 calories par jour. Alors, mais 45 minutes de marche quotidienne. Son régime alimentaire se résumait à un burger à l'omelette. Dans le fond, ça, c'est un McMuffin. Des flocons d'avoine au lait crémé le matin, une salade pour le dîner, puis un burger le soir. Et tu peux manger ce que je veux chez McDo, tant que je suis malin et que je compense le reste de la journée. Il dit même que son niveau de cholestérol a baissé. Ce sont nos... Ah, ça j'aime, ça j'adore ça. On devrait placarder ça partout. Le gouvernement fera jamais ça, parce qu'il n'est pas pro-liberté. Le gouvernement veut contrôler notre vie. Ce sont nos choix qui nous rendent gros, pas McDo. Ça va à pause là-dessus. Pensez à ça. Ce sont nos choix qui nous rendent gros. Quand tu choisis de rester assis devant la TV ou devant l'ordi, quand tu choisis de tout le temps, mettons, manger à la même place, que ce soit McDo ou ailleurs, quand c'est tes choix qui te rendent gros, pas McDo. Mais le combat contre McDo, il est politique. C'est un symbole du capitalisme et des États-Unis, et c'est pourquoi on s'y attaque injustement tout le temps. Il y a absolument rien de mal. Voulez-vous même me dire ce qu'il y a de mal à manger un filet de poisson? C'est ça que je prends chez McDo, moi. Je sais, je m'excuse auprès du monde en arrière de moi dans la file d'attente, là. Parce que c'est toujours plus long quand tu demandes un filet, là, en général. Mais. Pas vrai? Ouais, c'est pas le burger qui ont le plus sur le menu, là. Non, tu sais, le Big Mac, ça sort. Il est pas là, fait à la chaîne, garde d'olive, non. Fait à la pièce. Des fois, c'est long un peu. Mais bon, filet de poisson, c'est de la goberge, en passant, de l'Alaska, si vous le saviez pas. Qu'il y a dedans. C'est pas écrit, mais c'est du goberge de l'Alaska. frit, évidemment, avec deux pains, puis un peu de sel. Si tu décortiques ça, là, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Où est le poison? Ah, ben, ta friture, premièrement. Ta farine mais pour poison, la saveur, ça doit être de la farine blanche. Ton pain blanc, Sylvain, c'est pas bon. Ça a été transformé, puis tout ça. Bref, ouais. 8h28, vous avez des commentaires là-dessus. Studio à commercial FM 93.com.